envie d'Italie. En français? Voglia d'Italia. Pour voir l'Italie autrement, d'ici. Per molto tempo fui ebanista, operaio in borgo d'ogni santi. Mia moglie li faceva la modista, in questo modo tiravamo avanti. Quando la domenica era bella, ci vestivamo a festa per andare in via delle Usciadette, tanto per fare, contenti di veder de cervellare. Tous les premiers lundis du mois à 19h sur Fréquence Paris, pluriel, 106.3 FM. Bonsoir à toutes et à tous, comme tous les premiers lundis du mois, vous écoutez Envie d'Italie sur 106.3 FM. Vous retrouvez l'équipe d'Envie d'Italie avec ce soir en studio Irene Pancaldi. Bonsoir, Bertrand Chompton qui est en studio pour faire la technique et Olivier Favier qui est ici avec moi et donc moi-même, Veronica Collalti. Ce soir, on a eu envie de vous parler de Naples, deuxième ville d'Italie, l'une des plus grandes métropoles du sud de l'Union européenne, aujourd'hui dévastée par la crise. Dans un article récemment publié en français sur Le Monde diplomatique, le directeur adjoint du quotidien Manifesto, Angelo Mastrandrea, dont on écoutera une interview tout à l'heure, voyait en Naples le futur de l'Europe. C'est pourquoi on a eu envie de rencontrer ce journaliste pour comprendre un peu mieux la situation de cette ville. Mais au-delà de la crise, une énergie culturelle hors du commun, une quantité d'initiatives où l'autonomie et la créativité suppléent au manque de moyens, se cachent dans les entrailles de la ville. On en parlera avec Luca Rossomando, écrivain, journaliste, fondateur et coordinateur du journal dissident Napoli Monitor. Il nous fera découvrir le travail de Chop et Caff, des graffeurs et agitateurs urbains napolitains dont leur premier film « Il Segreto » vient d'être primé au Cinéma du Réel de Paris et au Festival du Nouveau Cinéma Italien des Tremblay en France. Mais on vous rassure, hein, on ne va pas parler tout le temps, on va aussi écouter de la musique. Eh bien oui, en effet, au cours de l'émission, nous serons accompagnés par des notes des chansons néo-mélodiques et on découvrira l'origine de cette musique typiquement napolitaine grâce à la chanteuse posteggiatrice, bon, on vous expliquera tout à l'heure, oui. Dolores Melodia, alter ego du metteuse en scène Antonella Monetti. Et on vous quittera enfin avec un hommage à Tony Servillo, rôle principal dans La Grande Bellezza, primé aux Oscars cette année, acteur vedette du nouveau théâtre napolitain. Il faut dire donc que c'est donc un peuple bien vivant, celui de la vieille cité partenopéenne, que nous vous invitons à découvrir et à écouter ce soir. Un peuple qui n'a rien perdu de ses traditions, de ses passions et de ses colères, à la recherche permanente d'une nouvelle citoyenneté. Merci beaucoup Irene pour cette présentation. Je pense que les auditeurs ont bien compris que ça va être une émission très très riche. Et on laisse tout de suite la parole à Olivier Favier, fondateur du site dormirajamais.org, que je vous conseille d'aller visiter parce qu'on trouve vraiment beaucoup, beaucoup de choses très intéressantes sur ce site. Il va nous introduire le travail du journaliste Angelo Mastrandrea qu'on écoutera tout de suite après. Alors Angelo Mastrandrea est né à Naples en 1971, il est effectivement journaliste, il a été aussi directeur adjoint du Manifesto jusqu'en 2013. En France, quelques-uns de ses articles ont été publiés dans Le Monde diplomatique, sur la revue 21, ainsi que sur le site dormirajamais.org. Alors je voudrais arrêter votre attention sur deux de ces articles traduits, le premier s'appelle donc Naples ou le futur de l'Europe, il est paru dans Le Monde diplomatique en avril 2013, il est consultable en ligne même sans abonnement, et il est intéressant à plusieurs titres. D'abord, il décrit une ville très atteinte par la crise, un seul chiffre, le nombre d'Italiens dans les asiles de nuit a triplé en 5 ans, avec pour conséquence, entre autres choses, le développement de ce qu'il appelle une véritable guerre des pauvres, notamment autour des rares moyens de subsistance qu'il reste à ceux qui ont perdu leur travail ou qui n'en ont jamais trouvé. Il évoque aussi la crise écologique autour du problème des déchets, de la monnaie, avec les décharges illégales du nord de la ville dans ce qu'on appelle la Terre des Feux, ou encore dans cette décharge bien légale, elle, à Giuliano, tout toujours au nord de la ville, où s'entassent 8 millions d'écobales qui pourrissent à ciel ouvert. Il fait part de ses espoirs autour des ambitions du nouveau maire, Luigi De Magistris, élu en 2011. Dans le même article, Angelo Mastrandrea donne un exemple des contradictions de la ville. Naples a mis en place un des plus beaux métros d'Europe, un métro musée rempli d'œuvres d'art. À la sortie de la station de Tolède, nous dit-il, en plein centre-ville, une statue a été ainsi érigée en l'honneur du cavalier de Tolède, autrement dit Carcagnoso, qui n'est autre que le fondateur de la Camorra. Angelo Mastrandrea parle, et c'est en cela que Naples pourrait être le futur de l'Europe, d'un véritable Moyen-Âge capitaliste où une minorité continue de prospérer autour d'une misère grandissante et livrée à son sort. C'est un tout article qui est uscito sur le Monde diplomatique l'anno scorso. Dans un de tes articles sorti sur le Monde diplomatique de l'année dernière, et parler des deux volti di questa città. Tu parles de Naples et de ses deux visages. Tu potresti raccontare un po' perché usi questa immagine? Pourquoi utilises-tu cette image-là? En realtà io ho abbandonato Naples. À vrai dire, moi j'ai abandonné Naples et le sud de l'Italie pendant une dizaine d'années. Et cela a été fondamental pour mieux comprendre cette réalité. D'un côté pour faire d'autres expériences et de l'autre pour créer un détachement qu'on n'a pas forcément si on reste toujours dans le même endroit, sans voir autre chose. C'est au début de la dernière crise économique, disons à partir de 2008, que j'ai eu à nouveau envie de raconter le sud de l'Italie. Le sud de l'Italie a des paramètres proches de la Grèce du point de vue économique. Le PIB a chuté de 10% en très peu d'années, où les usines ne sont déjà pas nombreuses, qui sont concentrées principalement à côté des grandes villes, comme Naples. Les usines se sont effondrées. La production industrielle en Italie a chuté de 25%, d'un quart en 5 ans. Des chiffres de guerre, d'après-guerre. L'idée de l'article est de montrer Naples comme une ville paradigme, car différents types de politiques ont été expérimentés. Déjà dans l'après-guerre, Hermann Orea, dans un livre très important pour comprendre la ville, dit que dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, Naples a été pris en otage par les Américains, car ils ont pris le contrôle du port et même de la culture. Walter Benjamin définit Naples comme une ville poreuse, car il y a beaucoup de trous, à cause aussi du tuf dont le terrain est fait. Il y a aussi une Naples souterraine, avec des grottes. Mais c'est une ville poreuse du point de vue culturel aussi, une ville capable d'absorber et de réélaborer, et ça c'est sa force aussi. Dans le domaine musical, on y trouve des influences jazz et on voit les influences de la culture américaine, plus fortes qu'ailleurs, en Europe. Cette influence américaine a un côté positif mais négatif aussi, c'est-à-dire un individualisme très fort, une politique néolibérale très marquée, dell'assenza di uno stato, no? L'absence d'État. Et quindi questa, per questo Napoli è una città paradigma. Pour tout cela, Naples est une ville paradigme. Naples et la Sicile représentent les lieux en Europe où on trouve une forte influence américaine e delle politiche americane, influenza culturale, culturelle et politique. Quindi questo è su questo c'era un economista. En parlant de la crise économique avec l'économiste José Salevi, che è un economista que je cite dans mon article, je lui demande à quoi il faut s'attendre. Où est-ce qu'on va? Il m'a répondu en me disant qu'on est en train d'aller vers un Moyen-Âge capitaliste. Il ne faut surtout pas s'attendre à un socialisme. Et je lui ai demandé de m'expliquer ce Moyen-Âge capitaliste. Il m'a dit: tu vois Naples, tu vas à Naples et tu comprends ce que cela signifie. Il s'agit d'une ère dans laquelle les gens s'habituent à vivre à la napolitaine, c'est-à-dire à se débrouiller. Un des stéréotypes de Naples est l'art de se débrouiller, de réussir à survivre de façon informelle, par une économie de soutien mutuel. On s'habille bien, on met la veste et la cravate, on descend dans la rue et on essaie d'arriver à la fin de la journée, de joindre les deux bouts. L'autre article d'Angelo Mastrandrea dont je voudrais dire quelques mots a été traduit pour le site dormirajamais.org sous le titre « La Terre des Feux, désastre écologique en compagnie ». Il fait partie des reportages sur le sud de l'Italie qu'Angelo a rassemblé dans un livre qui vient de paraître à Rome aux éditions EDS sous le titre Il Paese del Sole, le pays du soleil. Un ouvrage magnifique qui offre une quantité d'ouverture non seulement sur la région de Naples, la Campanie, mais aussi sur la Calabre, la Sicile et cette partie moins connue du Latium qui s'étend au sud de Rome et qui est aussi frappée de plein fouet par la crise. L'expression « terra dei fuochi » a été utilisée pour la première fois dans un rapport de 2003 sur ce qu'on appelle les écomafias, c'est-à-dire la mafia qui fait des affaires sur tout ce qui concerne l'environnement, l'écologie et donc au premier chef sur les déchets. Elle a été reprise par Roberto Saviano dans son livre « Gomorra », publié chez Gallimard en 2007, et s'est imposée dans la presse italienne après le succès du film homonyme de Matteo Garrone en 2008. Durant la même période, entre 2008 et 2009, la crise des déchets est revenue au cœur de l'actualité. On se souvient notamment de l'intervention spectaculaire, dans tous les sens du terme, de l'armée italienne sous le haut patronage médiatique du président du Conseil, Silvio Berlusconi. En août 2004, sur une zone géographiquement plus circonscrite, une étude publiée sur une revue internationale a même évoqué un triangle de la mort entre Acerra, Nola et Marigliano. On rappellera que l'état d'urgence à Naples et en Campanie a été déclaré il y a près de 20 ans, le 11 février 1994. Depuis, le problème ne fait que s'aggraver et s'étendre. La Terra dei Fuochi, nello specifico, a Napoli, è un'area che si trova a nord. La Terre des Feux est une zone qui se trouve au nord de la ville de Naples. Che nel 2004 la rivista Lancet definì il triangolo della morte. C'est là que la revue Lancet appela en 2004 le triangle de la mort. Je souligne l'année 2004 pour vous faire comprendre que ce n'est pas quelque chose qu'on vient de découvrir, mais dont on était déjà au courant en 2004. Et même 10 ans avant, quand la commission parlementaire de la nourriture et des déchets écouta l'histoire d'un repenti de la Camorra racontant tout ce qui se passait de ce côté-là, et cette histoire resta un secret d'État. Il faut considérer que le territoire de la métropole de Naples est le plus peuplé d'Europe, avec celui de la Ruhr en Allemagne. Il est constitué de grands villages qui sont une sorte de banlieue de Naples. Une sorte de banlieue comme à Paris, qui sont cresciute in maniera spropositata. Qui ont énormément grandi à cause de la pression démographique et de façon chaotique aussi. Chaque village, collé l'un sur l'autre, compte 100 000 habitants environ et forme ce qui était appelé la Campania Felix, une terre de travail, une énorme plaine avec une agriculture florissante. Et donc, dans cette area qui, cosa è avvenuto? La Terra dei Fuochi adesso è come dire. On l'appelle aujourd'hui Terre des Feux. Definita Terra dei Fuochi perché se si passa. Parce que si on passe par les autoroutes. Strade che poi fanno da un po' da cavalcavia, da enorme cavalcavia su questi. Qui forment d'énormes sautes moutons au-dessus des villages. Si vedono. On voit à n'importe quelle heure du jour. Ecco, quelli sono dei roghi. Des signaux de fumée. Discariche abusive. Il s'agit de bûchers de décharges illégales. On a beaucoup dit à propos de ces décharges illégales. I rifiuti, dove capita, c'est la faute aux citoyens qui jettent là leurs déchets, la difficulté de collecter des ordures et plein d'autres arguments encore. Però a ben vedere, si tratta, diciamo, mais à vrai dire, ces arguments cachent la vérité. Car ce ne sont pas les habitants qui jettent ces déchets. Coprono quella che è la verità. Servono a coprire la verità e non sono buttati spesso dai cittadini. Mais ce sont ceux qui veulent cacher la vérité de leur provenance. Questa verità. La verità è che la vérité, ci sono dei luoghi che si conoscono, cioè sono stati anche censiti, ma poi cioè si vede, sono tanti naturalmente. E qu'il y a des endroits qu'on connaît, dove l'industria del falso, où l'industrie du faux est très florissante, fiorente, à Naples et dans sa banlieue. Del falso sono le false borse, l'industrie du faux, ce sont les faux sacs Louis Vuitton, il falso, quindi, les faux Prada, delle pelli, les produits en cuir en particulier. Scartano, perché, ovviamente, essendo, cette industrie illégale ne déclare pas le travail. Lavoro sommerso. C'est pour cela qu'ils ne peuvent pas éliminer les déchets à travers un parcours classique. Adeguato, quindi vengono portati, in genere si assoldano dei ragazzi. Ils engagent alors des jeunes qui pour 10-20 euros per andare a buttare questa roba qui vont jeter les déchets et y mettre feu. Et donc l'argument des déchets liés aux habitants sert à couvrir ce qu'il y a dessous, ce trafic. Insieme a questo ci sono, perché poi le cattive abitudini, vu que les mauvaises habitudes en créent d'autres, non smaltiscono soltanto pas quelli dell'industria del falso, che appunto è una che l'industria du faux qui brûle ces déchets, ma in quel modo smaltiscono anche i rifiuti di grandi marchi. Mais même les grandes marques elles-mêmes. Perché legato cosa fanno queste grandi marche? Non è che hanno ces grandes marques n'ont pas leur industrie à proprement parler à Naples. Ma hanno delle sottoproduzioni, mais sous-traitent à Naples, les scarpe, c'est-à-dire qu'ils envoient les chaussures pour qu'elles soient cousues dans des petits laboratoires. È un lavoro questo qui della diciamo questo diciamo la lavorazione dei prodotti per le grandi ditte. È un lavoro che fanno soprattutto le donne. Ce sont surtout les femmes qui font ce travail pour les grandes marques. Molto tante donne che portano che travaillent directement chez elles. Che lavorano a casa, quindi lavorano al nero. Au noir. Si cuociono, hanno a casa, sì, con tot, sai, una tonnellata di scarpe. Avec une tonne de chaussures à coudre. E poi le danno, le consegnano. Ovviamente questo è un lavoro. Ça c'est un travail qui coûte très peu cher à l'entreprise, bien sûr. Gli scarti di questo prodotto finiscono pure. Les déchets de ces produits finissent dans des terres de feu où ils sont brûlés. Questa è, diciamo, è la punta dell'iceberg, perché tutto ciò che si vede. Ça, ce n'est que la pointe de l'iceberg. Va in aria e quindi a volte è tossico. Car c'est ce que l'on voit. La fumée, quelquefois, est toxique, car le plastique dégage des dioxines. Ma che a sua volta copre di ben peggio, cioè copre quello che c'è sotto, cioè quello che è stato interrato. Mais tout ça cache encore pire. Quello che è stato interrato invece rifiuto industriale. Ce qui a été enterré, il y a encore pire, il y a les déchets industriels. Nell'80% dei casi, 80% de ces déchets viennent d'industries qui ne sont pas dans la région, viene da fuori, in particolare dal nord Italia, mais souvent du nord de l'Italie. Grazie ad accordi, poiché poi sono stati fatti. Ceci est possible grâce à des accords entre la Camorra, la Camorra, perché la Camorra che gestisce qui gère depuis au moins 20 ans ce trafic, avec des personnes présentables qui font des accords avec des entreprises du nord de l'Italie, pour qui il est intéressant d'écouler les déchets de cette façon. Dans le passé, ces déchets étaient envoyés en Afrique. Ensuite, la Camorra a compris qu'il valait mieux les écouler ici, au plus proche. E ci sono dei casi, voglio dire, il caso del di il y a toute une série de cas comme celui de la journaliste Ilaria Alpi qui enquêtait sur les trafics de déchets vers la Somalie. C'è stato il caso delle navi dei veleni, ou celui des bateaux poison che partivano per portare rifiuti, qui portaient les déchets dans les pays du tiers monde, del terzo mondo, oppure che venivano, et qu'au bout d'un moment affondate nel Mediterraneo, en fait coulées dans la Méditerranée, non sono mai più state ritrovate, et qu'on n'a jamais retrouvé. Normalement, il s'agit de déchets beaucoup plus toxiques que ceux qui brûlent, car il s'agit de métaux lourds qui finissent dans les eaux en les polluant. E quindi inquinano le acque, inquinano i terreni. In qualche caso si tratta anche di rifiuti. Quelquefois, il s'agit aussi de déchets médicaux. Hanno anche una parte di rifiuto un po' radioattivo, diciamo. Qui ont un petit pourcentage radioactif. Hanno questa roba qui. E quindi questo è quello che è accaduto. Ora, ça c'est ce qui s'est passé, et maintenant la situation est terrible. Ci sono delle a Giuliano, car par exemple à Giuliano, che io chiamo terra dei veleni, non terra dei fuochi, que j'appelle terre des poisons, dove i fuochi non pas terre vedono, des feux, ma ci sono car on ne voit pas des feux mais de vraies collines. Giuliano è la terza città. Giuliano donc est aux portes de Naples, quindi è vicinissima. C'est la troisième ville de la Campania, de la région. Sia per estensione che per par extension, une aire de plusieurs kilomètres carrés. Forse numero di abitanti, no, ma per estensione sicuramente. E ha un'area. Et sur cette terre de plusieurs kilomètres carrés, dove ci sono delle colline, dove si vede tu vois des collines, sotto, è sicuro, okay. Et quand tu vois une colline, c'est qu'il y a sûrement quelque chose dessous. Ci sono le cosiddette fumarole, cioè, il y a aussi ce qu'on appelle les fumarolles, des endroits où si tu fais un trou, piove, tu verras de la fumée sortir. Cette fumée sort surtout quand il y a de l'humidité. Et c'est le produit de ce qui est caché en dessous. Hanno trovato lì, ormai si sa perché sono sequestrate 31.000 tonnellate. On y a trouvé 31.000 tonnes venant de l'ACNA, de Saint-Gio, une entreprise chimique de la Ligurie, qui fit un grand scandale en 1986. J'ai fini di tutto. Lì dentro, lì in mezzo, non ci sono. Dans cette zone, il y a des cultures. E quindi lì è il guaio. C'est ça le problème. E quello tutto ciò che viene, i terreni che confinano con le discariche. Les champs côtoient les décharges. Capisci che sotto c'è qualcosa, sai perché dove vedi. Quand tu vois un arbre mort, tu te dis qu'il y a des décharges illégales en dessous. C'è pure un campo rom. Et tu trouves souvent aussi à côté un campement rom. Quando sei andato lì. Donc tu as fait questo quand reportage. Quand tu es allé sur le terrain pour faire le reportage pour le manifesto. Tu as pu parler avec des gens qui sont en train de travailler pour dénoncer cette situation. Vediamo che c'è qualcosa che si muove a questo livello. Ce niveau, il paraît que quelque chose bouge, tandis que l'État n'est en train de rien faire ou très peu. A livello dello Stato si muove poco. L'État fait très peu. Anzi, addirittura adesso c'è una discussione in questo decreto che si chiama. En ce moment, la discussion sur le décret Destination Italia. Che devono fare le bonifiche. Et on parle des bonifications qu'il faudrait faire, mais qui coûtent trop cher. Cioè, hanno dei costi che con. Et qui sont incompatibles. Fiscal compact. Avec le fiscal compact. E quindi sono dei problemi. Adesso, infatti, stanno cercando di capire come fare. Dans ce décret Destination Italia, il y a une norme qui prévoit des accords avec des propriétaires de zones polluées. Che dice, vabbè, se voi bonificate. Et qui vise à leur rembourser les bonifications. S'ils s'en occupent directement, cela renverse complètement le principe européen du pollueur-payeur, c'est-à-dire celui qui pollue, celui qui paie. Là, ça devient le fait de polluer qui prévoit une prime. J'ai pollué et en plus je suis remboursé si je fais la bonification. Si occuperà anche di questo di questa parte. La Camorra questo è assodato e on sait que la Camorra est en train d'entrer. Che si è entrata nel business, si è entrando cercando di entrare et nel déjà entré dans ce business des bonifications. Assolutamente. E lo fa questo ci sono pochi dubbi. Anzi, cioè farà. La cosa che è accaduta invece è molto singolare ed è importante. Dans certains endroits, tels que Casal di Principe, che era diventato proprio l'epicentro des activités du clan Casalesi, comme nous le raconte Roberto Saviano dans Gomorra, c'è stata una manifestazione gigantesca. Il s'est passé pour la première fois une manifestation populaire énorme. Casal di Principe compte environ 20,000 habitants. C'est une manifestation de 20,000 habitants. Et ensuite, des manifestations similaires ont eu lieu dans d'autres villes. Et à Naples aussi. Perché la cosa che ha colpito, che ha cambiato. C'est parce que quelque chose a changé dans l'imaginaire. Anche l'immaginario. C'est parce que les gens hanno avvelenato. Se sont empoisonnés eux-mêmes. Ils ont compris qu'ils s'empoisonnaient. Quindi c'è stato. Ils ont empoisonné les terres dans lesquelles ils vivent, sur lesquelles ils vivent. Cioè questa percezione. Et les gens ont commencé à mourir à cause de ça. Prima come popoli, poi adesso ci sono anche le. Grâce à des études. Il y a eu une augmentation des décès dus au cancer. Il y a eu aussi beaucoup de morts parmi les jeunes. C'est pour ça qu'un mouvement des mamans est né. Des mamans ont eu des enfants affligés de malformations et qui sont morts très jeunes. Ce sont peut-être des manifestations et des protestations qui arrivent un peu tard. Mais c'est quand même important. On est toujours sur Envie d'Italie, sur Fréquence Paris Pluriel. On écoute Angelo Mastrandrea qui parle de la nouvelle administration de Naples, au pouvoir depuis 2011, celle du juge Luigi De Magistris. Et vous avez à Naples une mairie d'extrême gauche. Comment ils se sont positionnés par rapport à ces politiques d'austérité imposées par l'Europe et par l'État italien? Et est-ce que ça a vraiment changé les choses? All'amministrazione di Napoli, che appunto tu dicevi di estrema sinistra. Un vrai chantage a été fait à l'administration de gauche à Naples. Un ricatto. On l'a obligé à réduire les dépenses pour les services sociaux et à privatiser. O voi fate come diciamo noi. La politique de 2014 est centrée sur les privatisations. Cela signifie vendre le patrimoine public. Privatizzate, questa è stata l'imposizione più forte. Que personne n'est intéressé à acheter car le marché immobilier en particulier s'est écroulé. Donc on leur a dit, si vous vendez et privatisez les services publics, c'est-à-dire les transports, l'eau, dovete privatizzare i servizi. Servizi pubblici. Même s'il y a eu un référendum interdisant cette privatisation, c'è stato un referendum. Se avete questo, voi avrete il contributo. Vous aurez une contribution, un finanziamento, un financement de la part de l'État et de l'Europe. Comunque dall'Europa e avrete, cioè, state. Se non fate questo. Dans le cas contraire, vous n'aurez rien. Nulla. Et c'est ça le problème. Questo è il grande problema perché oggi. Aujourd'hui, les mairies sont obligées de réduire les dépenses des services sociaux. E lì si vedono le politiche d'austerità. Sono costretti a tagliare i servizi. Et là, on voit les conséquences des politiques d'austérité. Ad aumentare le tasse sui cittadini. Ils ne peuvent pas augmenter les impôts, car les citoyens se plaignent parce qu'ils n'ont déjà plus rien. Mais ils doivent payer davantage. Une partie des impôts locaux est versée à l'État, pour le fiscal compact, et une partie reste à l'administration publique. La mairie de Naples n'a pas cédé sur la privatisation de l'eau publique et elle a souligné qu'il y a eu un référendum interdisant cette privatisation. Sur cette base, elle a été la première à créer une société de gestion de l'eau complètement publique qui s'appelle Acqua Bene Comune, qui n'est pas une société par action et donc elle n'est pas soumise au droit privé. SPA, quindi società per azioni, car il y a beaucoup de SPA qui sont soumises au droit privé, pubblico, même si le capital social est public. Ils ont changé complètement ça et introduit un comité de surveillance avec des représentants des associations. Ils ont un schéma participatif de ce bien public. Mais ils ont d'énormes problèmes. Par exemple, un jour, les transports publics sont restés sans essence. Il n'y en avait plus. Cela montre parfaitement les effets de la politique d'austérité. Car le peu de services publics qu'on avait gardés fonctionnait. Et maintenant, il n'existe même plus. Et che viene meno, viene meno anche quello. Tant'è vero, a cause de cela, au sud, on est obligé de se débrouiller encore plus et de s'appuyer sur la famille, familiare, quindi scaricato tutto sulla famiglia, qui prend en charge tout. Sui nonni, cioè, che fanno i babysitter, insomma, les grands-parents sont des babysitters. L'aiuto mutualistico, des formes d'entraide avec les voisins surgissent. Mutualistico con i vicini di casa. À ça, il faut ajouter un autre effet de la politique d'austérité, c'est-à-dire l'augmentation des impôts, qui fait qu'au sud en particulier, les seuls à avoir de l'argent et à pouvoir tout gérer restent les mafieux. Vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM et vous écoutez Envie d'Italie. Vous venez d'entendre en fait une interview de Angelo Mastrandrea, qui est un journaliste et directeur adjoint au journal Le Manifesto. Ex-directeur adjoint. Ah, ex. Ex depuis 2013. Pardon. Merci pour la petite précision. Et donc là, je laisse la parole à Olivier parce qu'on fait une petite pause musicale. Oui, avec une transition un peu, comment dire, sauvage, puisque on va du côté de la chanson néo-mélodique napolitaine avec Maria Nazionale, qui a été d'ailleurs remarquée pour son rôle dans Gomorra de Matteo Garrone et qui lui a valu même un Donatello. Elle a fait 14 albums. Et alors je tenais à dédier cette chanson à Antoine, Christian, Joël, Karine, Fanny, Isabelle, Clémence, ainsi qu'à Véronique, que je ne désespère pas un jour de convaincre des bienfaits de la canzonetta italienne. Super, on l'écoute. Quanti volte tu l'aspetti ma non torna manca notte. Non da accorgi che ti metto come fossi un cappotto. Cagna tutto essere lieto quanti corna che ti ha fatto. Che stai male se ne fotte, non ho figlio che ti ha fatto. E arrogante e prepotente, chi l'è infame non mi niente. Chi l'è sotto non ti sente, non è te nei sentimenti. Io questo non lo amo. Pure lui ci sa vigliato perché sto un siccicato. Ma non mi sento dovere. Ma ne pieno attaccato, stai campando incatenato. Tutta me stessa non amo. Moralmente da distrutto, non lo tengo per un niente. Per l'essenza della vita. Come fosse cioccolato, roce roce da mangiare. Terribilmente lo amo. Sembra che la televisione tu trascuro con pallone. È fuoco che mi fa. Mo t'appiccio, mo t'oiento, come fosse sigaretta. Da capo bene io la. Quanti sere li ha aspettato, quanti vale che vigliata. E non mi voglio studare. Ma perché ci tiene ancora, se ti sto messo senza cuore? Perché? Scema, che aspetta, mo la sa. Io no. Che no, è tutta infamità. Sono guarda, ma stago che la mai. E io perdono. Ma amore se ne va. Sono innamorato. Torna. stai a niente una da voto, ma perché non è lassata? Tu sei scemo, sei credino, tu sei troppo innamorata. Quanti volte tu l'aspetti, ma non torna manca notte. Non ti accorgi che ti metto come fosse un cappotto. Alors, vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel et comme tous les premiers lundis du mois, vous écoutez Envie d'Italie. Alors là, donc, cette émission, c'est sur Naples et on vient donc de faire une petite pause musicale avec Maria Nazionale qui nous a chanté Ragione e Sentimento. Oui, Olivier, raconte-nous un petit peu de quoi parle cette chanson. Ragione e Sentimento, ce n'est pas vraiment une adaptation musicale du roman de Jane Austen. C'est plutôt donc c'est chanté en dialecte napolitain, c'est une chanson néo-mélodique et c'est donc une histoire d'amour où en fait dans le clip vidéo Maria Nazionale se dédouble, elle chante, elle fait question-réponse, c'est donc les raisons et le sentiment qui s'opposent, cet amour plus fort qu'elle et cet homme visiblement qui lui inspire voilà, beaucoup de souffrance et beaucoup de difficultés, mais voilà, l'amour est plus fort que tout et elle ne peut pas s'empêcher de continuer à l'aimer, voilà, et donc toute cette chanson c'est très classique hein, du répertoire néo-mélodique. On verra tout à l'heure effectivement que c'est un répertoire qui peut aussi aborder d'autres thèmes, ouais. Mais disons que c'est quand même le retour de la chanson d'amour et c'est un répertoire à la fois très populaire et strictement napolitain, c'est-à-dire qu'il n'y a pas véritablement d'écoute, je dirais, en dehors de la région de la Campanie. Quoi. Mm. C'est vraiment quelque chose... Voilà, mais c'est quand même étonnant si on pense à 14 albums de Maria Nazionale. Ah oui, 14 albums depuis... Moi, je suis italienne et je n'avais jamais entendu parler... de Maria Nazionale. Ah oui, en plus avec ce nom, voilà, Nazionale. On ne peut pas l'oublier. Oui, on ne peut pas l'oublier. Et effectivement, ce sont des phénomènes. Oui, 14 albums depuis 93, donc c'est une vraie longue carrière. Il y en a beaucoup d'autres. Alors, ce qui m'a intrigué aussi, c'est que beaucoup de ces chansons, les clips notamment qu'on trouve, parce qu'on peut les trouver assez facilement sur Internet, sont souvent sous-titrés en roumain. Donc, je me pose la question de savoir s'il n'y a pas un public, effectivement, il y a une grosse communauté. Voilà, il y a une grosse communauté roumaine en Italie, alors pas spécifiquement à Naples d'ailleurs, mais je pense qu'il doit y avoir effectivement des jonctions possibles entre ces deux cultures populaires. Bon, alors merci Olivier pour cette petite parenthèse donc sur Maria Nazionale et la musique néo-mélodique. Alors je pense qu'on peut continuer notre voyage dans la ville partenopéenne en écoutant l'interview à l'écrivain et coordinateur du journal dissident Napoli Monitor, Luca Rossomando, qu'on a eu le plaisir de rencontrer lors de sa venue à Paris pour la présentation du film Il Segreto de Chop et Caff au cinéma du Réel qui a eu lieu au mois de mars au Centre Pompidou de Paris. Donc on lui a demandé de nous parler de la genèse du film Il Segreto. On l'écoute. Volevo chiederti come è nato quindi il progetto di questo film Il Segreto. Allora, è nato perché Chop e Caff, che è l'autore del film, lavorano da alcuni anni dipingendo i muri, le saracinesche, le superfici dei quartieri spagnoli, che sono un quartiere popolare del centro della città di Napoli. Oui, donc l'idée du film est née grâce à Chop et Caff qui ont travaillé dans les quartiers espagnols, qui sont un quartier très populaire du centre de Naples. Sì, insomma, c'è un progetto un po' più ampio che coinvolge anche il giornale che facciamo insieme a un gruppo di persone, tra cui io e tra cui Chop e Caff e altre persone, che si chiama Napoli Monitor, che ha anche la redazione ai quartieri spagnoli da alcuni anni, ma soprattutto diciamo, la relazione che è instaurata da Chop e Caff per strada, dipingendo, stando per strada quotidianamente con i ragazzi i ragazzi che stanno per strada normalmente. Oui, donc l'idée du film, elle s'insère en fait dans un projet plus large, plus grand autour du journal Napoli Monitor qui existe depuis plusieurs années et dont le siège est au cœur des quartiers espagnols. Et du coup, c'est aussi l'existence de ce journal et de tout le travail de tout le monde dans les quartiers espagnols qui a permis de développer un contact et des relations avec les enfants du quartier depuis très longtemps. Et donc, du coup, le film découle de toutes ces histoires-là. Quindi, insomma, ci sono più modi di relazionarsi e anche di cercare di rappresentare, di raccontare il quartiere, con il giornale, appunto, quindi con i testi e i disegni che fanno parte del giornale, con la pittura. E poi, insomma, noi il film l'abbiamo girato a gennaio del 2013. Un mese prima avevamo avuto una telecamera, insomma, una Panasonic 100, e quindi ci siamo chiesti un po' cosa filmare. E siccome un po' diversi di noi, insomma, hanno esperienza anche come educatori con i ragazzi, diciamo, ci sono una serie di cose che conosciamo abbastanza bene, e sappiamo che ogni 17 gennaio i ragazzi in tutta la città, in tutti i quartieri della città, gruppi di ragazzi, bande di ragazzi fanno il fuoco il cippo di Sant'Antonio. Donc il segreto, comme le journal, comme tous les tableaux qui sont dans les quartiers espagnols, c'est une autre manière de raconter donc le quartier. Donc Lucas, Chop et Caf ont eu une caméra quelques mois avant janvier 2013. Et ils ont commencé à se demander un petit peu, bon bah, qu'est-ce qu'on pourrait filmer, pourquoi pas filmer quelque chose. Et en plus, il se trouve que beaucoup d'entre eux avaient déjà eu des expériences d'éducateurs, donc un contact avec les enfants. Et en plus, ils savaient que tous les 17 janvier, il y avait cette tradition qui s'appelle le Cippo de Sant'Antonio, donc Saint-Antoine. Cercavamo il modo, appunto. Noi lavoriamo molto facendo interviste, così, però ci siamo detti è poco efficace, cerchiamo di fare una cosa in cui loro sono liberi, fanno le cose e noi, diciamo, siamo accanto a loro, e così è stato, diciamo, loro fanno ogni anno questa cosa, diciamo, un po' prima di Natale, ma soprattutto dopo Capodanno, si mettono a cercare alberi di Natale o legna. Ai quartieri sono gli alberi di Natale, alla sanità, in un altro quartiere per esempio raccolgono qualsiasi tipo di cose che può bruciare. Oui, donc en fait c'était un sorte de concours de circonstances. C'est vrai qu'ils font beaucoup d'interviews d'habitude, etc. Mais là, cette fois-ci, ils avaient envie de filmer les enfants pendant qu'ils faisaient quelque chose, parce que les interviews, c'est pas forcément efficace. Et donc du coup, il y a cette tradition qui, dans les quartiers espagnols, c'est la préparation d'un feu avec les arbres de Noël. Dans la Sanità, un autre quartier de Naples, c'est avec n'importe quel type d'objet. Et donc voilà, ils ont décidé d'être comme ça derrière les enfants, de les suivre simplement et de capter ce qu'ils faisaient. L'idée, le film est un film sui bambini e la città. Film racconta sostanzialmente un gruppo di 20-30 ragazzi dai 5 ai 13-14 anni che per 15 giorni cercano questi alberi e li nascondono in un terrain vague abbandonato, sì, un posto dove è stato abbattuto un palazzo, e quindi vuoto, che è molto raro nei quartieri spagnoli, sono molto densi, non ci sono quasi piazze, eccetera. E quindi questo è, diciamo, letteralmente il segreto, cioè il posto dove loro nascondono gli alberi e dove poi accendono il fuoco. E il film, diciamo, poi alla fine converge, diciamo, le loro azioni, la loro ricerca converge in questo giorno, nel 17 gennaio, in cui deve essere. E poi c'è un colpo di scena finale, naturalmente non voluto, diciamo, è un documentario, è tutta storia vera. Storia vera. Oui, donc le choix des quartiers espagnols, en fait, est dû au hasard, voilà, parce qu'ils étaient là, ça aurait pu être un autre quartier. L'important pour l'équipe, c'est la forme et raconter quelque chose sur les enfants et la ville. Et donc, ils ont suivi ce groupe qui avait entre 5 et 15 ans pendant 15 jours, avant le fameux 17 janvier, où ils parcourent Naples à la recherche des arbres pour préparer ce feu. Et donc, ils les accumulent et ils les cachent dans un endroit des quartiers espagnols. Et donc, cet endroit, c'est le secret, voilà, avec le titre du film. Et qui est aussi le lieu où est allumé à la fin le feu. Nel film è molto forte questa immagine delle riprese del motorino, per esempio, cioè si vede proprio che siete dentro alla banda, fate parte della banda, fate parte di questa impresa, di questo gioco. E penso che è una cosa che porta lo spettatore quando guarda il film, perché sei veramente, ti senti anche tu dentro, sì, dentro questo, al film. Sì, questo è il fattore fondamentale che ha fatto sì che si potesse fare il film. Cioè, c'era una consapevolezza che c'era una relazione molto forte tra Chop e Caff e questi ragazzi, e che quindi da un lato c'è una fiducia, e ma anche che porta a una sorta di indifferenza. Cioè, io mi fido di questa persona, lui sta lì con la telecamera, io a parte che ho altre cose a cui pensare, ma comunque mi fido, quindi lui fa e poi mi fido, però insomma c'è anche un'interazione. Molti ci hanno chiesto, ci hanno detto: ah, ma voi avete detto ai ragazzi di fare così, e non è mai successo, naturalmente. Diciamo, veramente i ragazzi erano da un lato completamente indifferenti alla telecamera, dall'altro c'era una collaborazione insomma implicita, tacita, appunto, fare un posto, lasciare un posto in mezzo nel motorino, cioè, comunque essere coscienti che c'è qualcuno che sta filmando, però cosa che spesso succede quando filmi i ragazzi, o a Napoli succede spesso con tutte le classi d'età, che si fa un po' di teatro, no? Quando sai, sì, che sei ripreso, fai un po' il napoletano. Sì. Invece, diciamo, questo non è mai accaduto nel film, è vero. Durante il film. Oui, une relation fondamentale du film, c'est la relation très forte entre les enfants et Chop et Caff, et qui est à la fois une relation de très très grande confiance, qui est parfois du coup proche aussi de l'indifférence, parce que d'une part les enfants ont autre chose à quoi penser justement pour cette préparation, et du coup la collaboration est implicite en fait a été implicite entre le Chop et Caff et les enfants, en même temps qu'ils avaient toujours une grande conscience sûrement que la caméra était là et que par exemple ils pouvaient laisser une place pour le motorino ou pour la caméra. Et donc il y a quelque chose qui apparaît dans le film qui est différent de ce qu'on peut dire souvent de la théâtralisation napolitaine ou du goût du spectacle, du théâtre, parce que là c'est jamais arrivé en fait, la caméra était là et les enfants en avaient conscience, mais c'était confiance et indifférence qui guidait. Et dopo il film, cosa è successo? Abbiamo montato, cioè, insomma, vi aspettavate il film, comunque il successo che ha avuto, perché in Italia è stato accolto. Ah, tu dici proprio dopo, sì, il film, sì, quando è stato, sì, montato, esatto, eccetera. No, insomma, noi sapevamo, ci sembrava, sia girandolo che c'erano le immagini forti, cioè c'erano le immagini, erano buone per, noi abbiamo girato tipo 13 ore. Poi ci abbiamo messo 6 mesi per montarlo, insomma, perché cioè, il film è stato fatto con niente, quindi abbiamo trovato dei soldi per la montatrice, e, Alessandra Carchedi, e abbiamo lavorato con lei nella redazione, insomma, con i mezzi nostri. E ci sembrava un buon film, l'abbiamo mandato a Torino, l'hanno preso. Insomma, il successo mi sembra una parola grossa, diciamo, per noi è importante che le persone lo vedono fuori, ma soprattutto a Napoli. Abbiamo fatto 6 proiezioni a Napoli, diciamo, l'hanno visto penso 1000 persone, perché comunque erano sempre piene, e poi ognuno vede quello che vuole vedere, però almeno è uscita anche qualche più che recensione, insomma, qualche riflessione. Per noi è importante che magari qualcuno si rifletta, o diciamo nella sua testa, o pubblicamente sui giornali, chi è deputato a farlo, eccetera. Questo è quello che ci interessa, che hai fatto una cosa, insomma, che è riuscita abbastanza bene, quindi che la gente la veda e ci pensi su. Sì. Oui, après les 3 jours de tournage, il y a eu 6 mois de montage. Ils avaient 13 heures de film à peu près, et ils ont trouvé de l'argent pour une monteuse, Alexandra Carchedi, et après tout a eu lieu justement dans le siège de la rédaction. Dans les quartiers espagnols, toujours avec voilà, l'univers de Chop et Caff. Et comme le film leur semblait très bon, ils ont décidé de l'envoyer à Turin, il a été pris. Et voilà, et maintenant, bah, l'important pour eux, c'est que le film soit vu le plus possible, qu'il suscite des réflexions individuelles, ou si jamais des gens veulent écrire, rendre public leurs réflexions, le fassent. Mais c'est surtout ça, voilà, qui était important. Ouais. Et E il vostro lavoro nei quartieri spagnoli comunque continua? Quindi in quel senso dopo il film adesso cioè continuate? Sì, noi insomma quest'estate abbiamo fatto una specie di Chop & Caff, hanno fatto una specie di inaugurazione en plein air dei più di 200 dipinti che sono nel quartiere. Perché, che insomma, hanno iniziato a farli... Sì, qualche anno fa, però nell'ultimo anno, negli ultimi due anni c'è stata un'intensificazione, quindi diciamo chiunque adesso giri per i quartieri spagnoli lì non può fare a meno di notarli dappertutto. E quindi si è fatta una specie di festa, insomma, a luglio e poi ripetuto un po' a settembre. Così come si possono dire, insomma, i quartieri spagnoli sono un posto che hanno, come tanti altri quartieri a Napoli, una cattiva fama. E le cose si fanno perché si fanno per tante ragioni, non si fanno perché per togliere la cattiva fama ai posti. Però per noi è importante che la gente si mischi. Parlo di, diciamo, di che a Napoli la gente, diciamo, che è apparentemente tutta molto, diciamo così, come si dice, affabile, sempre, diciamo, lo stereotipo che è sempre contenta, eccetera. In realtà ci sono delle barriere anche solo mentali, comunque invisibili, molto forti tra le persone, per cui è importante, tra le altre cose, per noi fare del, diciamo, fare politica, è anche quello di fare in modo che la gente sia spinta a mischiarsi, gente diversa, eccetera, per cui che la gente giri per i quartieri spagnoli a guardare i dipinti di Chop & Caff o a guardare altre cose, a venire a una festa. Per noi è un obiettivo raggiunto. Sì, è importante, non è, insomma, non ci facciamo grosse illusioni, le barriere restano, eccetera, però per noi è importante fare delle cose e poi che queste cose abbiano comunque delle ripercussioni anche non solo come fruizione passiva, che poi siano l'occasione per fare in modo che la gente si muova anche fisicamente da un posto all'altro, o anche che la gente dei quartieri esca dal quartiere. Per questo, diciamo, anche a Torino abbiamo portato con noi quattro dei ragazzi che hanno partecipato al film, qui a Parigi abbiamo portato due dei ragazzi che hanno, per noi anche l'occasione così per loro di uscire dal quartiere, di vedere delle cose nuove, insomma non c'è poi diciamo così senza fare creare troppe sovrastrutture, cioè è un'occasione per loro e per noi. Quindi vale la pena condividerla. Oui, du coup, là, le travail de tout le monde dans les quartiers espagnols, là, en ce moment, consiste dans faire partager cette expérience et puis faire venir des gens dans les quartiers, susciter des réflexions, mais aussi des déplacements, des mouvements physiques. Et l'été dernier, il y a eu l'inauguration de toutes les peintures des quartiers espagnols. Une fête a été organisée pour faire découvrir plus explicitement aux Napolitains ces tableaux et donc les faire venir dans les quartiers. Puis par exemple à Turin, l'équipe du tournage y est allée avec quatre enfants. Et cette fois-ci à Paris, il y a deux autres. Oui, là, enfin, on parlait donc c'était pour montrer les tableaux de Chop & Caff faits dans les quartiers espagnols. Oui, ben disons que c'est un ensemble en fait, tout est allié, est à relier. Il y a d'un côté les tableaux de Chop & Caff qui ont été le travail fait pendant ces trois ans et qui ont permis aux auteurs de connaître les enfants des quartiers espagnols, duquel après de cette rencontre a été possible de faire le film. Et du coup, aussi bien le film que les peintures des tableaux espagnols appellent beaucoup de mouvements, de rencontres, de visites. Et voilà, ce qui est important pour les auteurs, c'est de faire bouger un peu ces barrières, de faire que les gens se mélangent, que des gens viennent dans les quartiers espagnols, que les enfants aillent à Turin, à Paris. Et voilà, c'est leur moyen de faire de la politique, et même s'ils n'ont pas d'illusion sur le fait que les barrières restent, ils voulaient vraiment qu'il y ait des répercussions physiques et réelles, enfin, voilà. Suite à ce travail. Alors, avant d'écouter la deuxième partie de l'interview de Luca Rossomando di Napoli Monitor, On écoute une version live de Torna Maggio, interprétée par Dolores Melodia, une chanteuse napolitaine atypique qui fait partie du même collectif que les graffeurs Chop et Caf et qui les accompagne dans leur présentation du livre Cuore Spinato. Livre qui nous a fait découvrir les quartiers espagnols de Naples en suivant les plus de 200 œuvres réalisées par Chop et Caf depuis 2009, dont on continuera à parler avec Luca Rossomando de Napoli Monitor juste après la pause musicale. Et à Paris, vous pouvez trouver ce beau livre à la librairie L'Atelier, 2 bis rue du Jourdain, dans le 20e. On continue avec Dolores Melodia. À Alors, vous êtes toujours à l'écoute d'Envie d'Italie et on continue donc avec la deuxième interview de Luca Rossomando qui nous parle du projet Cuore Spinato. E dunque no, volevo dire, alla fine questi quadri, queste opere di Chopecaf sono quasi un'esca, no? Diventano un'esca per anche attirare delle persone da fuori. Chopecaf sono molto attivi, insomma, non fanno solo murale. Negli ultimi anni c'è un gruppo di persone, insomma, che appunto anche attorno al giornale, non un gruppo di persone fisso, anche che ci sono una serie di punti di riferimento. Che appunto questo è un po' la fare politica per noi, cercare di aprire dei luoghi fisici o insomma virtuali in cui le persone possono fare delle tappe anche per crescere, anche per cambiare le proprie idee e per intervenire sul contesto, diciamo, per cui c'è il giornale, ci sono... come dicevo, ci sono diversi. Noi lavoriamo molto con la scrittura, ma con la pittura, con la fotografia. Adesso con il c'è poca programmazione, c'è una fino a che c'è un'energia, diciamo, fino a che c'è un gruppo di persone che anche un po' è importante avere un collettivo, un gruppo di persone, cioè gente con cui confrontarsi, anche per darsi la forza a vicenda di perseguire un percorso di riflessione. Sì, perché comunque ci sono, insomma, nascono tante cose. Napoli comunque è una città viva, anche molto, molto precaria, molto difficile da vivere, faticosa, però in cui nascono tante cose, però... Nasce come un po' dappertutto, ci sono anche tante cose che valgono poco ed è difficile anche fare le differenze, ci sono delle cose, poche sono le cose davvero originali o anche le cose che hanno un senso perché nascono appunto da un lavoro collettivo, da una condivisione vera e che non siano semplicemente, diciamo, dei fiori nel deserto, per cui per noi è importante lavorare insieme agli altri, interrogarsi molto sulla forma e naturalmente sarebbe anche bello avere più soldi, diciamo. Dopo ne parliamo. Diciamo, si fanno le cose, si fanno lo stesso, diciamo, non è certo una cosa che ci può frenare, perché sennò, insomma. Oui, cioè, les CAF sont toujours très actifs dans les quartiers, à Naples en général. En s'interrogeant, enfin, ce qui est important, c'est les formes, différentes formes. Donc, ils travaillent beaucoup sur l'écriture, la photo. Ils n'ont pas énormément de programmation. Disons que ce qui est important pour eux, c'est d'ouvrir des lieux, de permettre qu'il y ait des étapes pour grandir et intervenir pour différentes personnes. Et voilà, tant qu'ils ont de l'énergie, ils essayent de continuer à construire ces formes collectivement, puisque ça c'est une autre chose qui est très importante pour eux, d'essayer de se confronter toujours avec d'autres personnes pour pouvoir enrichir et continuer les parcours de réflexion. Et voilà, Naples c'est une ville très vive, où il y a beaucoup de choses, mais c'est pas forcément facile de s'y retrouver, de savoir ce que valent certaines choses plutôt que d'autres. Et donc eux, ils essayent de participer en ayant leur forme collective particulière. Et évidemment, s'ils pouvaient avoir plus d'argent, ça les aiderait. Mais c'est l'énergie qui les pousse, donc ils font aussi sans. Visto che abbiamo qua Emanuele e Rosario, che comunque fanno parte del film, sono venuti fino a Parigi, ci piacerebbe un po' avere una loro opinione su quello che è stato il film, anche su quello che è stato venire qua a Parigi, se vi va. Emanuele, allora, com'è stato venire partecipare a questa avventura del film? Bello è stato. È stato bello? Sì. Ma cos'è che ha cambiato? L'avevate fatto anche l'anno scorso? Sì. Sì, quindi lo fate sempre, non era la prima volta? Sempre facevo. Sempre. E cosa è cambiato questa volta? Niente. Posso fargli una domanda? Sì. Quest'anno quanti alberi avete pigliato? Avete messo a bruciare? 102. 102. Cette année ils ont brûlé 102 sapins. E l'anno scorso, quando abbiamo fatto il film, erano di più o di meno? Di più. Più? Di più, 300. Erano 300? 300. Ah. L'année dernière, pendant le film, il y avait 300 sapins. Ma anche quest'anno è venuta la polizia? Sì. Sì. E che è successo? Hanno sequestrato gli alberi. Vi hanno sequestrato gli alberi? E quindi non avete potuto fare il cippo? No, erano più assai e l'abbiamo fatto con 100. Ho capito. Cette année aussi, la police est venue, comme l'année d'avant, et ils séquestrent les arbres. Mais donc, du coup, ils ont fait un feu qu'avec 100. C'est pour ça qu'ils ont fait qu'un feu avec 100 arbres. Ma perché è venuta la polizia? La chiamano i vicini oppure avete fatto dei danni? Perché? No, penso che l'hanno chiamato qualcuno di là, dove sta il segreto. Oui, en général, c'est ce sont les voisins qui appellent la police. Perché la chiamano? Perché hanno paura del fuoco? No, perché facciamo gas. Oui, sûrement ils les appellent parce qu'ils font beaucoup de bruit, beaucoup de bordel. Voi da questi dipinti avete fatto un libro, appunto, che ci avete tra l'altro portato oggi, che è molto molto bello, in cui ci sono quindi tutte le fotografie dei dipinti. E poi ci sono anche delle interviste alla fine che hai fatto, sì, tu, Luca. Io e Riccardo Rosa, okay. C'è un testo che si chiama Appunti per una storia orale dei quartieri spagnoli, e insomma sono una serie di storie di vita degli abitanti dei quartieri. E, diciamo, è come se fosse l'inizio di un progetto che comunque dovrebbe essere più ampio. Abbiamo fatto una sessantina di interviste, ma appunto facendole ci siamo resi conto che per fare un lavoro veramente completo ne dobbiamo fare insomma almeno il doppio, e quindi... Perciò sono degli appunti, però insomma rendono un po' anche la varietà del quartiere, al di là degli stereotipi, no? Che vedono il quartiere come un quartiere, diciamo, monoclasse, mentre invece è un quartiere vario anche dal punto di vista degli abitanti che vivono lì, e anche interessante dal punto di vista della storia. E quindi ci sono una serie di... Tutto questo, diciamo, è fatto a partire dai vissuti delle persone che vivono là. Come un po' facciamo spesso con il giornale, diciamo, questo è un po' nella linea del giornale. Mi cioè piace raccontare storie. Le persone. Sì, le persone, diciamo, banalmente le persone comuni, ma insomma quelle che non escono sui quotidiani o che escono sempre in maniera molto stereotipata. Diciamo, l'adolescente dei quartieri spagnoli... Lui è molto diverso, Emanuele è molto diverso da Rosario, come dai loro. Ogni persona ha una sua storia, e quindi noi cerchiamo di ascoltarle e cercare di riprodurle, sì. Anche lì cercando di lavorare molto sulla forma, sulla scrittura, sulla chiarezza e così via. Oui, parmi le nombreuses choses qu'ils font, il y a ce livre Cuore Spinato. Cœur barbelé, on pourrait dire, qui est composé d'une préface et de toutes les peintures que Chop et Cap ont fait dans les quartiers espagnols, et d'une troisième partie qui s'appelle Notes pour une histoire orale des quartiers espagnols, où Luca Rossomando et Riccardo Rosa ont retranscrit une soixantaine d'interviews qu'ils ont fait et qui permet de retracer l'histoire du quartier, mais aussi de présenter toutes les histoires singulières de ses habitants. Et donc de sortir un peu de cette idée éventuellement monoclasse des quartiers espagnols, qui sont en fait un quartier très très très varié, où chaque personne a une histoire différente. Mais voilà, c'était jusqu'ici pas forcément connu par tout le monde. Et donc ils ont travaillé toujours avec leur même principe de recherche sur l'écriture et la clarté. Et ils se sont rendus compte que... Ça s'appelle simplement « Notes pour une histoire orale » parce qu'il faudrait faire au moins le double d'interviews et continuer pour pouvoir dire autre chose. E avevo letto un'intervista di Chop e Caff che è uscita penso poco prima del libro, in cui diceva che forse questo lavoro era piuttosto uno scarabocchio in negativo. C'era una citazione di Montale che dice appunto che quello che si può dire alla fine è cioè quello che non pensiamo, quello che non vogliamo. Volevo sapere se in questi anni comunque in cui avete lavorato, come la vostra relazione con il quartiere vi ha cambiato e come il quartiere è cambiato tramite la vostra presenza? No, io penso che il quartiere va per conto suo, insomma non abbiamo queste illusioni di perché la città no, il quartiere no, forse la gente, la relazione con le persone. È un po' il discorso di prima dell'amministrazione. Da un lato, quando tu sei hai la responsabilità di amministrare la città, allora hai veramente un potere, anche se c'hai il comune in bancarotta, di fare del, io penso, non mi interessa farlo, ma penso che comunque sia così. E quindi noi non abbiamo né questa responsabilità né, ripeto, cerchiamo di fare politica e gli artisti cercano di fare gli artisti nella maniera migliore o i giornalisti nella maniera migliore, ma da un lato non abbiamo responsabilità pubbliche, dall'altro cerchiamo di prenderci le maggiori responsabilità possibili con le persone che sono attorno a noi, diciamo, sia che lavorano con noi, sia che con le quali entriamo in relazione. Questo è il criterio, però diciamo, e questo almeno io personalmente lo faccio da 20 anni, quindi forse per questo sono un po' pessimista, perché vedo che attorno a me le cose peggiorano, e non parlo del quartiere. Naturalmente si parla su scala di quartiere, perché è giusto lavorare su una scala piccola dove è possibile relazionarsi con le persone, però poi parlo diciamo almeno della città, e comunque vedo che le vite dei ragazzi per esempio sono abbastanza segnate, e questo insomma fa rabbia, e voglio dire, i ragazzi che conoscevi 15-20 anni fa non è che semplicemente sono vite segnate, non sono magari vite drammatiche, non succede nulla di drammatico alla fine di queste vite, però sono vite che si vede già, puoi vedere già quando loro hanno 10 o 15 anni dove andranno a finire. Questo non è bene, sarebbe giusto che ci fosse possibilità di cambiare le traiettorie, eccetera. Però bisogna anche essere onesti, non è che noi facciamo la massima responsabilità con chi ti è di fronte, più di questo non si può dire. Oui, c'est difficile pour eux de parler de changement, ou sur eux, ou sur le quartier, parce que le quartier continue à vivre par lui-même. Ils n'ont pas de responsabilité publique, pas non plus beaucoup d'illusions, mais ils font de la politique à leur façon. Les artistes en essayant de l'être de la meilleure façon, les journalistes aussi, voilà. Et ils prennent surtout des responsabilités vis-à-vis des personnes qui sont autour d'eux, à cette échelle des quartiers qui permet de nouer des contacts humains, des relations. Mais ils sont assez pessimistes parce qu'ils trouvent que les choses empirent plutôt. Et que, par exemple, les vies des enfants sont extrêmement marquées, déterminées. Et qu'à certains moments, là où on devrait voir des milliers de possibilités de vie possibles, on a l'impression de voir déjà tracer beaucoup de choses. Donc ça, c'est négatif. Vous êtes toujours à l'écoute des Fréquences Paris Pluriel. On continue notre émission sur Naples avec Dolores Melodia, personnage né de la créativité de la metteuse en scène Antonella Monetti. On l'écoute. C'è questa questione molto importante della melodia. Infatti io non è un caso che mi chiamo Dolores Melodia, perché Napoli è proprio la città dove è stata in qualche modo nel 600, nel 700 inventata un certo tipo di melodia. E l'hanno inventata i cantanti castrati che abitavano nel rione dove abito io, la Sanità, che dove c'è questa chiesa che si chiama la Chiesa dei Vergini, dove proprio abitavano questi cantanti dalla bella voce che i musicisti lasciavano liberi di gorgheggiare sulle loro arie. E questo è stato, diciamo, no? È cominciata lì questa storia della melodia della canzone napoletana, della fronna, perché loro si prendevano la libertà di cantare e gliela concedevano perché erano dei divi. Oui, la mélodie napolitaine a une histoire très particulière, une identité très forte. Elle est née, un de ses aspects est né au XVIIe, XVIIIe siècle, avec les castrats qui habitaient dans le quartier de Dolores Melodia, donc la Sanità, et notamment ils étaient très proches de l'église des Virginées. Et... Les rêves, je dis, parce que c'est les, voilà, c'est les jeunes. Non? Oui, parce que donc c'est les castrats, ils étaient, on leur avait coupé le pénis, ce qui est à l'adolescence, c'est ça ? Et ce qui leur permettait d'avoir un timbre de voix qui restait très très très jeune et très aigu. Et les musiciens leur donnaient la possibilité d'interpréter complètement librement leur partition. Et du coup, c'est comme ça qu'est née la mélodie napolitaine avec une tonalité très particulière et librement choisie par les chanteurs. Negli anni 70-80, purtroppo... abbiamo scoperto che la canzone napoletana però non era una canzone militante, cioè con la canzone napoletana non poteva essere un inno per un certo tipo di politica e per un certo nuovo modo di essere. Io adesso parlo solamente del fenomeno napoletano, ma questa cosa è successa in tutta Italia, devo dire, per cui proprio per motivi politici io è stata fatta proprio una differenza, si è rinunciato alla melodia. Sono state riprese diciamo delle armonie un po' più semplici, più grezze, delle melodie più grezze, su cui sono state scritte delle canzoni moderne che passano per essere quelle veramente antiche della città di Napoli, cioè, per un periodo è stato così. Oui, alors il y a cette dans les années 70-80, les chansons militantes en fait se sont un peu détachées de la mélodie napolitaine parce que ça n'allait pas ensemble et c'était difficile de rendre la chanson napolitaine militante. Et du coup, ces dernières années, il y a des vieilles chansons napolitaines qui ont été reprises, mais sur des mélodies beaucoup très simplifiées et beaucoup plus brutes. Voilà. Però i testi diciamo più militanti, ma dei voilà, testi avec des textes plus militants ma tu come spiegheresti questa impossibilità di fare coincidere melodia e testi? Perché ci voleva una differenza, cioè bisognava marcare una differenza, marcare un territorio, e così il territorio diciamo della canzone melodica è diventato il neomelodico ed è diventato deteriore di serie B. Mentre invece la canzone, diciamo così, falso popolare, il falso folk, diciamo, è diventata la canzone su cui è stato fatto anche economicamente un investimento maggiore. Quindi effettivamente, se noi andiamo a guardare la discografia, i dischi di questo falso pop sono migliori dei dischi dei neomelodici, perché non c'era investimento né di autori, né di musicisti, né di idee, di niente. È stata abbandonata a se stessa, ma nonostante questo ha conservato un grande mercato et anche un grande amour le peuple napoletain. Oui, donc du coup, il y a comme s'il y avait eu deux territoires différents qui s'étaient dessinés. D'un côté, la mélodie qui a donné lieu à ce qu'on appelle la chanson néo-mélodique, qui est très très très appréciée et qui a beaucoup de succès encore à Naples, mais disons dont les textes ne sont ni militants, ni... voilà. Amour, seul amour. Et voilà, on parle seulement des chansons d'amour. Et l'autre, disons les chansons à texte plutôt, sont devenues pop, folk, et on n'a pas ce cœur mélodique qu'ont les néo-mélodici. In realtà non è vero che parla solo d'amore, non è vero, cioè apparentemente diciamo diventa noiosa perché parla solo d'amore, ma non è vero, perché in realtà diciamo nell'enormità diciamo di tutte queste composizioni ce ne sono alcune che parlano della società e testimoniano della vita della società di alcune cose, che ne so, penso a una canzone come O latitante, no? E come questa, diciamo, ce ne sono altre a tema che parlano della storia della città in quel periodo. Io ne canto una che si chiama Bancomat ogni mattina, che è una canzone di una decina d'anni fa. Però una decina d'anni fa un papà poteva fare il bancomat e dare 50.000 lire in mano al figlio ogni perché lavorava e lo poteva fare. Adesso è diventata una canzone obsoleta, cioè non è più, è passato testimonia quel tempo. E quindi questo tempo sono quegli anni? Una decina, 10-15 anni fa, no? Gli anni 90. En réalité, les chansons néo-mélodiques parlent pas seulement d'amour, parce qu'elles témoignent d'une réalité très, très forte, la réalité justement du peuple napolitain, comme par exemple une chanson qui s'appelle « O latitante », mais c'est une chanson qui est maintenant un peu obsolète, qui raconte l'histoire d'un... d'un chef de clan qui pouvait donner à son fils 50 euros par jour à peu près. Enfin voilà, disons des histoires réelles, mais qui aujourd'hui ont un peu disparu. Fortunatamente, grazie diciamo a un percorso appunto di militanza politica che ho condiviso, insomma, sembra che adesso in qualche modo sia possibile cantare nuovamente la canzone melodica napoletana. Devo dire che faccio una gran fatica a coinvolgere i colleghi musicisti, perché in questa diaspora culturale contro la melodia i giovani musicisti hanno, si sono trovati coinvolti e acriticamente anche loro pensano in questo modo, cioè io ci devo parlare a lungo per convincerli a suonare bancomat e tutte queste cose qua, perché per loro è di serie B, cioè è musica senza qualità, no? È veramente... Ouais, et donc Dolores Melodia qui chante des chansons néo-mélodiques aujourd'hui, grâce notamment au parcours militant et culturel de gens comme voilà, QS, Correspinat, Napoli Monitor, essaye justement de faire à nouveau chanter ces chansons au milieu un peu de cette diaspora contre la mélodie qui a grandi ces dernières années. Et parce que justement on considère la chanson néo-mélodique comme une chanson de série B, et c'est pour ça que les bons musiciens, ceux qui font des investissements en musique en général, ont laissé tomber la mélodie et les néo-mélodici en pensant que c'est de la chanson de mauvaise qualité. Et Dolores Melodia, elle essaye de rechanter ces chansons-là et de convaincre tout le monde, et elle y arrive très bien. Je pense que non, que c'est pas ça ne veut rien dire, c'est pas des chansons de série B, et puis pourquoi pas chanter des chansons de série B en plus. Ma c'è un successo di questi cantanti, perché io le ho sentito diverse volte, cioè su YouTube eccetera, e anche nei film, ma sempre nei film che parlano di Napoli e soprattutto diciamo del popolo di Napoli, perché credo che Napoli sia ancora una città in cui si può parlare di popolo, che non, magari per altre città d'Italia è una cosa un po' più complicata. Però fuori di Napoli c'è un pubblico per queste canzoni, o ci sono dei concerti ad esempio di neomelodici che vanno a Roma, che vanno a Firenze, che vanno... Cantano per la stessa fetta di persone, cioè cantano per un certo tipo di... per il popolo napoletano, diciamo, per... Non si può dire, il sottoproprio non esiste più queste categorie, dici bene a dire il popolo, perché non si può dire. Però comunque cantano per un certo tipo di persone, perché per altre è come se non esistessero, anzi sono infastidite. Non sono un prodotto culturale, sono un prodotto commerciale di bassa lega. E quindi chi ci va è pure cretino, non so come dire. Ma comunque vengono a Parigi anche. Eh sì. No, anche io sono... Et ces chanteurs néo-mélodiques qui sont plutôt méprisés et même pas tellement considérés comme un produit culturel, ils chantent quand même un peu partout à travers l'Italie, à travers le monde, mais toujours pour le même type de public que Dolores Melodia appelle le peuple napolitain. Et voilà, donc à la fois ils sont énormément écoutés et aimés, et ils chantent ailleurs qu'à Naples, et en même temps on ne leur reconnaît pas... On ne leur reconnaît pas peut-être le statut culturel qu'ils ont en commun avec toutes les autres musiques napolitaines ou italiennes. Adesso ti ascoltiamo allora. Volevo farvi sentire un esempio di melodia teatrale, non un esempio di neomelodico, perché quello diciamo c'è. Mentre invece c'è questa canzone bellissima, che non è una canzone, è una battuta teatrale. Si intitola Avvertimento. Nannina va da Concettina ad avvertirla di non fuggire con Alberto, perché Alberto la metterà sulla strada, come ha fatto con lei, e di disperarsi, di piangersi, ma di chiudere dentro, di non andare con lui. Lascialo a me, perché io so come... Io sono degna di lui e lui è degno di me. Questa è una canzone, un brano musicale tratto da un'opera di Raffaele Viviani che si intitola Porta Capuana. Ok, donc Dolores, là, va nous chanter une mélodie théâtrale, une chanson qui s'appelle « Avertissement » et qui raconte l'histoire de Nina et Contina. Concettina e Nina. Concettina e Nina. Racconta molte storie, questa opera teatrale. Sì, sì. C'est un morceau écrit par Raphaël Viviani qui raconte plusieurs histoires à la fois. Et donc, c'est la. Et Nina ou Concettina va dire à sa fille de ne pas aller avec un certain monsieur parce qu'il pourrait la laisser dans la rue comme elle a été laissée elle aussi avant. E poi, allora il resto lo possiamo inventare. È una scena molto bella fra donne, di grande solidarietà fra donne, per quello che è. C'è una chanson avec qui montre une grande solidarité entre les femmes. Et Raffaele Viviani est un grand maître du théâtre napolitain aussi. Voilà, ha scritto teatro e musica, mm-hmm. E non si riesce proprio a dire se siano più belle le canzoni o le pièce teatrali, veramente. Oui, je crois que c'est aussi un des aspects du théâtre napolitain d'être aussi extrêmement populaire, d'être un théâtre un peu aussi, enfin voilà, avec un public qui n'est pas simplement le public théâtral auquel les Parisiens sont plus habitués, avec ces quelques dizaines de milliers de personnes qui vont au théâtre. Par du théâtre public en abonnement, etc. Là, il y a encore véritablement une emprise populaire du théâtre avec des auteurs qui, effectivement, ont joué souvent sur plusieurs tableaux et qui ont gardé un ancrage dans leur terreau culturel, aussi bien linguistique que social, que culturel, voilà, au sens très large du terme. L'ultima piccola cosa, non che è considerato il Brecht italiano. Raffaele Viviani, però la differenza tra Brecht e Viviani è che Viviani scriveva anche le musiche, non essendo musicista, perché raccoglieva la musica della città e le doveva scrivere lui. Raphaël Viviani, c'est un peu le Brecht italien. Napolitain, pardon. Sauf qu'il il écrivait en plus des mélodies, voilà, en plus du théâtre. Il était à la fois Brecht et Kurt Weill. Hier, comme vous, un angele figlia, esteva sotto chate, mamma mia. Albert, niente la famiglia, e sofferno da miezza ferrovia. Ieri come a voi, un angelo figlio, mo scappa quando ve ca pulizia. Po dispiacere a mamma namuretta, e pada Maricetta che ste morta. Mo chiagna tutto male che facette, mo canisce una mano rapa porta, carette manaisse ma perdette, ma voi non va la vita fa sta sciorta, chiagnita, ma scansata va sta bissa, scappata, si è avarita, compare, lascia dammi la mezzo degneris, e isse solamente degneris. Vous êtes toujours sur Envie d'Italie, Fréquence Paris Pluriel, avec une émission consacrée à Naples. Donc on va terminer et je laisse la parole à Olivier Favier pour un petit hommage à Tony Servillo. Alors le cinéma italien a été par le passé, du temps où il était reconnu comme le plus grand cinéma du monde, un cinéma d'acteurs. Le néoréalisme est indissociable de figures comme celle d'Anna Magnani ou de Giulietta Massina par exemple. Mais c'est surtout à partir des années 60 que le phénomène va se généraliser. On pense bien sûr à Marcello Mastroianni, à Sofia Loren, à Vittorio Gassman, à Nino Manfredi et un peu plus tard à Gian Maria Volonté ou à Monica Vitti. Au milieu des années 80 jusqu'au début des années 2000, le cinéma italien a connu un net recul. Il a cessé pratiquement de remporter des prix. Les films étaient du reste peu distribués. Depuis quelques années, au début surtout dans la presse spécialisée, on a évoqué l'hypothèse de plus en plus probable d'une renaissance du cinéma italien, notamment avec la sortie de deux films en 2008 qui se sont imposés avec deux nouveaux réalisateurs, Paolo Sorrentino et Matteo Garrone. Ces films sont Il Divo et Gomorra. Le premier, Il Divo, évoque la vie et les méfaits d'un très important homme politique italien, un des leaders de la démocratie chrétienne, j'ai nommé Giulio Andreotti. L'autre est un portrait sans concession de l'emprise de la Camorra à Naples, une adaptation du livre homonyme de Roberto Saviano. Ces deux films ont quelque chose en commun, un acteur napolitain, Tony Servillo. Avant de se faire connaître au grand public italien avec ces deux films, Tony Servillo a eu et continue d'avoir jusqu'à ce jour une longue et belle carrière d'acteur de théâtre. Il est à l'origine, avec Mario Martone et Antonio Neville, des Teatri Uniti, la plus belle vitrine dramaturgique de Naples depuis 1987. C'est d'ailleurs avec Mario Martone qu'il fait ses débuts au cinéma dans Mort d'un mathématicien napolitain en 1992. Il y a, rappelons-le, même si ce sont des figures qui sont peut-être moins connues en France, une immense tradition d'acteurs à Naples. Eduardo De Filippo, qu'on connaît ici comme auteur, était considéré comme un des plus grands acteurs de son temps. Toto, un des grands acteurs comiques qui a tourné entre autres avec Pasolini dans Uccellacci e Uccellini, des oiseaux petits et grands, en 1966, est toujours très vivant dans la mémoire des Italiens. Par rapport à ces deux monstres sacrés du théâtre napolitain, la particularité de Tony Servillo est d'avoir peu à peu conquis un public international, allant même qu'il n'a tourné que dans des films italiens. Tony Servillo est un acteur hors norme, au point que Roberto Ando, par exemple, dans le film Viva la Libertà, et ce qui est sorti en France en février, a écrit l'adaptation de son livre autour de lui. Dans son esprit, le film se ferait autour de Tony Servillo ou ne se ferait pas. Il est vrai que Tony Servillo a interprété des personnages totalement différents. Par exemple, on le retrouve à trois reprises dans le rôle d'un politicien, la première fois dans Il Divo, que j'ai déjà cité, où il interprète le rôle d'un personnage public très connu, alors encore vivant, Andreotti, est mort l'année dernière, en 2013. Une personnalité trouble, cynique, impénétrable, inoxydable, comme on le dit en Italie. En 2012, dans le film de Marco Bellocchio, Bella Indomantata, La Belle Endormie, Tony Servillo joue au contraire un sénateur ex-socialiste rallié au parti de Silvio Berlusconi qui choisit de voter contre son camp pour une loi autorisant l'euthanasie. Le film est inspiré de l'affaire Eluana Englaro en 2009. Ce sénateur est un personnage plein de nuances et de doutes, aux antipodes évidemment de Giulio Andreotti. En 2013 enfin, Tony Servillo incarne deux frères jumeaux, un leader politique de la gauche, essoufflé, en pleine dépression dans la vie comme dans les sondages, qui choisit de disparaître de la vie publique momentanément. Et un philosophe exubérant, qui est choisi à quelques semaines des élections pour prendre sa place et qui trouve d'emblée une parole neuve, enthousiasmante, auprès des électeurs et des militants du parti. Pour ce dernier film, Viva la Libertà, il fallait un grand acteur de théâtre. La substitution d'un jumeau par un autre est un motif qu'on retrouve chez Plaute, chez Goldoni, chez Kleist, chez Molière. Mais pour qu'on le voie en France, il fallait aussi une distribution audacieuse, courageuse. Et je voudrais saluer au passage le travail magnifique de Bellissima Film qui a donné accès à une trentaine de films italiens depuis 2010. Un travail que vous pouvez suivre sur leur site, beaucoup de leurs films étant accessibles aujourd'hui en DVD. Pour conclure sur le sujet de la renaissance du cinéma italien, qu'incarne donc d'une certaine manière Tony Servillo, je rappellerai que le Lion d'Or a été attribué en 2014 pour la première fois à un documentaire, Sacro Gras de Gianfranco Rosi, et que cela faisait depuis 1988 qu'un film italien n'avait pas été récompensé à Venise. Quant à l'Oscar du meilleur film étranger, il a été attribué lui aussi à un film italien, ce qui n'était pas arrivé là depuis 1998. Ce film, c'est La Grande Bellezza de Paolo Sorrentino, dont Tony Servillo est l'acteur fétiche. Quoi qu'on puisse penser de l'aspect un peu vintage de La Grande Bellezza, qui rassure le public par ses rappels constants au grand cinéma italien des années 60 et notamment à la Dolce Vita, il n'en reste pas moins que le travail de Tony Servillo est proprement extraordinaire. J'aimerais pour finir citer un film moins connu, qui est peut-être un des plus beaux films noirs de ces dernières années, toutes nationalités confondues, Une vie tranquille de Claudio Cupulini, sorti en France en 2011. L'histoire d'un ancien camoriste devenu restaurateur en Allemagne qui est rattrapé par son passé. Tout est magnifique dans ce film, le scénario, la direction de la photographie, la musique de Teo Teardo et bien sûr l'interprétation de Tony Servillo. Je vous propose donc d'écouter A Quiet Life de Blixa Bargeld et Teo Teardo qui termine ce petit chef-d'œuvre. Merci beaucoup Olivier pour ce petit hommage à Tony Servillo. Donc notre belle émission touche à sa fin. Vous pouvez bien évidemment réécouter l'émission sur notre site internet et la rediffusion jeudi matin à 8h toujours sur FPP. Je remercie donc Veronica Collalti, Bertrand Chumton et Olivier Favier et ainsi que tous nos invités. Donc à très bientôt au mois prochain. Très bonne soirée et bonne semaine. Thank you. slash